Deuxième partie. Chapitre 1er. Lorsque Pierre Fonrami reprit ses sens, il était allongé sur une couche moelleuse. Ses liens avaient disparu. Il se sentait extrêmement faible, les jambes molles, la langue sèche, la tête lourde. Le sentiment lui revenait, mais par degrés seulement. Des voix s'entretenaient dans une langue inconnue. Il entendait sans comprendre. Il se laissa aller à une rêverie vague. Un silence se fit et, en foule, les souvenirs lui revinrent. À l'orée d'un bois, des inconnus l'avaient assailli et terrassé. Délivré par ses amis, il était maintenant à bord de la rondine. Avec peine, il souleva ses paupières alourdies, s'attendant à trouver sa cabine et la bonne figure de Lorici penchée sur lui. Il regarda et vit une chambre spacieuse aux murs de marbre poli, ornée de frises légères dans le style corinthien, d'un coloris d'une fraîcheur incomparable. D'une haute fenêtre sans vitre, à travers des stores de bois curieusement travaillés, tombait une lumière argentée. Une tiède chaleur emplissait la chambre. Un faisceau de douce lumière éclairait un lit de marbre, recouvert d'un tissu de pourpre épais et brodé de narcisses. Au pied du lit, des fourrures soyeuses étaient étalées. Le sol était pavé d'une belle mosaïque ouvragée à l'italienne. Des sièges de marbre et de bois rares, aux formes simples, aux courbes élégantes, un socle d'acajou portant une amphore aux flancs arrondis, meublait et ornait la pièce. Fonrami tourna la tête et leva les yeux. Un vieillard et une jeune femme se tenaient debout à côté de son lit. Le vieillard était de taille moyenne, mais harmonieusement proportionné. Une bandelette ceignait son front. Sa barbe blanche descendait sur sa poitrine en rouleaux abondants. Drapé dans une toge de laine blanche, rehaussé d'une bande de pourpre, il était d'une calme sérénité. La jeune femme, au visage pur de déesse, aux formes élégantes et vigoureuses, était vêtue d'une molle tunique diaprée, au ton chantant. Son buste ondulait, aussi flexible que la tige des longues céréales. Ses cheveux châtains, entremêlés de perles d'un merveilleux orient, roulaient sur ses épaules. Son front était couronné d'une guirlande de feuilles de chêne. Des bracelets d'or encerclaient ses bras nus. À ses mains étincelaient des émeraudes et des saphirs. Ses pieds nus, aussi blancs que marbre, chaussés de cothurnes dorées, étaient ornés de bagues en rubis. Pierre Fonrami s'orienta parfaitement. C'était un cauchemar, ou plutôt un rêve harmonieux. Mais dans le moment, il se souvint d'une observation d'Edgar Poe qui veut que, lorsqu'on soupçonne que l'on rêve, on se réveille sur le champ. Or, il ne dormait pas. Il regarda la jeune femme, des souvenirs raciniens l'envahirent soudain, tandis qu'il murmurait « Divine Bérénice ». Cependant, le vieillard s'approcha de lui et le contempla longuement, tandis que la jeune femme montrait de la surprise et de l'émotion. Alors, le héros de l'aventure comprit que cela n'était pas un rêve, et se dit, avec quelque effroi, que sa veste de chasse, ses lourdes bottes de cuir, tout son appareil barbare, faisait assez maigre figure sur cette couche digne d'une reine. Il se vit fort rustique au milieu de cette pompe raffinée, et jugea que son introduction chez ses nouveaux hôtes était dépourvue de majesté. La jeune femme et le vieillard conversaient dans une langue souple et sonore, essentiellement douce et musicale, où les accentuations passaient et se succédaient en un rythme cadencé. Pierre Fonrami écoutait sans comprendre. Cette langue ne lui était pas totalement inconnue. C'était comme un dialecte qu'il avait su jadis et qu'il n'entendait plus maintenant. En vérité, c'était par trop stupide. Avec avidité, il regardait autour de lui. Ce mobilier, ce style, ses vêtements, un éclair traversa son cerveau. La langue qu'il entendait était du grec, non pas le grec moderne, ni le grec d'Homère, mais le grec plus abstrait et plus direct de Lucien, tel qu'il devait être parlé voilà tant de siècles, et non pas défiguré par notre barbare prononciation érasmienne. « Décidément, se dit-il, je suis complètement fou. » Et, se renversant sur sa couche, il perdit connaissance. Sa syncope fut de courte durée. Lorsqu'il se réveilla, le vieillard et la jeune femme avaient disparu. Il était encore faible, mais sa tête n'était plus lourde. Il pensait et raisonnait librement. Pierre Fonrami avait un esprit direct. Ce qui faisait sa force, c'est qu'il vivait tout entier le moment présent et ne concevait rien en dehors de la réalité immédiate. Oui, la conviction s'implantait profondément dans son esprit que la langue qu'il venait d'entendre était le grec ancien, que tout ce qui était autour de lui était grec, qu'il était dans un milieu d'antique civilisation grecque. Fonrami avait appris le grec jadis et l'avait su fort mal. Mais plus tard, s'étant astreint à en rompre les difficultés, son courage avait été récompensé. Ayant passé de longues heures en compagnie d'Homère et de Xénophon, sous l'ombre fragile des oliviers de son pays, il pensa que présentement, et la nécessité aidant, il arriverait bientôt à converser avec ses hôtes. Rassuré de ce côté, il s'allongea sur son lit de pourpre et s'endormit d'un profond sommeil. Chapitre 2. Quelques jours s'étaient écoulés, les passagers et l'équipage étaient logés dans des maisons basses et polychromes qui donnaient sur une cour soigneusement close. Ils y séjournaient assez longtemps car la température était douce. Ils auraient été mal installés si, à force d'ingéniosité, les matelots n'avaient constitué un abri suffisant pour la princesse et sa femme de chambre. Améliorer aussi le logement du prince et de ses compagnons. Cependant, les hommes roulés dans des couvertures de laine durent se contenter, pour toute couche, de la mosaïque des salles ou de l'herbe de la cour. Bien que la température fût clémente, le lever du soleil ne laissait pas d'amener une certaine fraîcheur, très favorable au rhumatisme. Le bon docteur acquit par expérience la connaissance de cette particularité. Réveillé dès le point du jour par de lancinantes douleurs articulaires, il se frictionnait avec ardeur, non sans maugréer contre le fâcheux court-circuit qui lui valait ses maux. Des hommes blonds d'une stature colossale, au type germanique accusé, armés de lourdes massues de chêne, les gardaient étroitement et subvenaient à leurs besoins. La princesse soignait les matelots blessés lors de l'accident. Son inépuisable bonté et le stoïcisme de son attitude en imposaient fort à ces braves gens qui avaient pour elle un dévouement sans bornes. Le prince, silencieux maintenant, s'absorbait dans ses pensées. Le Ricci était plongé dans un problème palpitant de physique mathématique. Toute la journée marmottant des formules ou griffonnant sur un carnet, il lui était indifférent d'être là ou ailleurs. Ferrato veillait sur ses hommes, les engageant au calme et à la patience. Les heures coulèrent ainsi. Puis, un matin, à l'heure étincelante où le soleil se lève, les géants les vinrent prendre et les engagèrent sur une large chaussée pavée de grandes dalles bleues. Au loin, sous d'épais couverts, des toits luisaient, des vergers entourés de murs hauts de 8 à 10 pieds, de longues lignes de mûriers s'offraient de toutes parts à leurs yeux. Sur la droite, ils découvrirent un spectacle plus imposant encore. Un escalier monumental conduisait à une vaste terrasse à mi-hauteur d'une colline. De là, un autre escalier menait à un second étage de jardin, qui se terminait par une colonnade en forme d'hémicycle, mettant en communication les deux angles d'un palais bâti dans le goût gréco-romain. La route s'inclina sous des ombrages, s'infléchit et gravit le coteau en se glissant sur son flanc. Ils la suivirent, longeant d'abord les ailes du palais. Par les larges baies, ils virent des appartements pavés de mosaïques, ornés de pilastres, d'absides, de niches, de statues, décorés de fresques, de plafonds peints et dorés, de marbres précieux. Et ce grand palais reposait sur d'énormes substructions qui soutenaient de trois côtés les déclivités de la colline. Il n'échappa pas au duc de Palerme que les détails de l'ornementation étaient inspirés par le goût classique le plus pur. Cette élégante architecture peuplée de statues, animée par 100 jets d'eau, avec la verdure de ses chênes et la blancheur de ses marbres, lui causa une émotion profonde. Un mur blanc, puis une haute porte en bois noir, une fois franchie, ils entrent dans une cour carrée. À l'ombre d'une galerie, une dizaine de femmes assises sur leurs talons bavardent tout en tressant des nattes. Des bambins demi-nus se livrent à un sabbat infernal sous le regard approbateur de leur mère. En riant, ils se montrent du doigt les étrangers qui passent. Au fond, des colonnes soutiennent une terrasse. L'aspect de cette cour rappelle celui du patio dans une riche maison de Cordoue ou de Séville, avec un étrange luxe archaïque. L'équipage est dirigé vers la gauche. Il s'engouffre par une porte basse et on le perd de vue. Les passagers, toujours sous l'escorte de leur guide, franchissent une porte de bronze. Puis, c'est une longue galerie, entre deux haies de buis, où se nouent des roses grimpantes et des volubilis. À l'extrémité de la perspective, une pergola au treillage verdoyant déploie ses entrecolonnements sur un fond de forêt, tandis qu'au centre, dans un massif de laurier blanc, un pavillon coiffé d'un toit conique abrite une statue de Junon. Devant ce rustique autel, des cornes d'abondance, des vases de fleurs, des bouquets et des couronnes, des pans de terre cuite. Plus loin, une petite niche, sanctuaire intime des dieux l'art. Le bassin d'un atrium avec son faune dansant. Le bain avec son vestiaire et ses piscines ovales. Partout, les canalisations de briques du chauffage central. Un bâtiment dans le même goût et dans le même style leur est assigné comme logement au milieu des jardins où fleurs d'Europe et fleurs d'Asie se mêlent et se confondent. Roses trémières, mimosas et volubilis, plantes simples et plantes savantes s'étalent, se haussent ou se tassent, s'enroulent au tronc lisse de platane ou grimpent à l'assaut des palmiers. Sur les pelouses rampent des plantes à larges feuilles, veinées d'or et de carmin. Ils trouvent là des pièces somptueusement meublées, où des lits de repos posent leurs pieds tordus sur des tapis profonds. Sur une table, des plateaux chargés de fruits qui viennent d'être cueillis. Leur gardien se retire, une porte s'ouvre et Pierre paraît. Il se jette dans les bras de ses compagnons et ce sont de chaudes et rapides étreintes. Ils sont enfin seuls et libres. Comme le duc de Palerme s'en félicite, Fonrami sourit. Puis il parle, s'enquiert de ce qu'il est advenu à ses amis et raconte sa propre aventure. Il explique enfin dans quel monde étrange on se trouve. Maintenant, tous sont assis et, de sa voix calme, tranquille et un peu monotone, il commence. Chapitre 3. Par un curieux hasard, nous parlions, en survolant la Mésopotamie, de l'empereur Julien. Il partit en guerre contre les Perses. Il fit de belles marches ordonnées et classiques sur le territoire persan, et ses opérations de l'Oronte à l'Euphrate sont dignes d'éloge. Avec lui marchait une armée nombreuse, composée de troupes gréco-romaines, que des auxiliaires germains, gaulois et numides renforçaient, et qu'accompagnaient aussi de nombreux convois, suivis par des troupes considérables de femmes et d'enfants. Julien eut les malheurs que vous savez. Ce n'est pas le temps d'en rechercher les causes. Pour se dégager, il tenta une diversion par le nord qui eut peu de succès. Arrivé devant Ctésiphon, il échoua encore, remonta le Tibre et, pour des raisons restées assez mystérieuses, incendia sa flotte. Après quoi, il ne lui resta plus qu'à battre en retraite, ce qu'il fit. C'est alors qu'il fut tué dans une escarmouche, laissant à son successeur, Jovien, la lourde responsabilité d'une capitulation. « Je ne vois pas où vous voulez en venir, » interrompit le prince, que ce cours d'histoire, déroulé d'une voix impassible, agaçait un peu. « J'arrive au fait, monseigneur. Au cours de la retraite, un corps gréco-romain d'environ 15 000 hommes, traînant avec lui beaucoup de femmes et d'enfants, fut coupé de l'armée principale. Son chef, Aclivius Rufa, reconnaissant l'impossibilité de battre en retraite vers l'ouest et se sentant complètement coupé de la mère patrie, se dirigea franchement à l'est, dans l'intention de trouver des terres fertiles, de s'y établir, de fonder une colonie et de voir venir les événements. Je commence à saisir. Je ne vous raconterai pas les détails de cette retraite, tels qu'ils m'ont été appris par mes hôtes. Ils sont vagues et d'ailleurs, je ne suis pas Xénophon. Passant au sud de la Caspienne, traversant la Perse, rejoignant l'Indus et le remontant sur les traces des soldats d'Alexandre, les Romains arrivèrent en combattant, car on les poursuivait, jusqu'aux premières pentes du Tibet. Ils s'engagèrent dans ce pays totalement inconnu et parvinrent jusqu'à un point où une immense vallée, entourée de toutes parts de murailles de granit à pic, de glaciers infranchissables et de montagnes inaccessibles, leur offrit un asile. Là, ils s'établirent et fondèrent une colonie. Mais dans la suite, un cataclysme, dont je vous reparlerai, se produisit, qui ferma complètement l'unique passage menant à la vallée. Il se fit un silence, puis le prince ajouta. Ainsi, une cité helléno-romaine a vécu ici, pendant des siècles, sans contact avec le reste du monde. Oui, et en vase clos, si j'ose m'exprimer ainsi. Nous sommes en présence d'un monde qui n'a pas varié, qui est une réduction homothétique de ce qu'était la société de l'Empire romain au IVe siècle. Cette société est-elle païenne ou chrétienne? interrogea la princesse. « Païenne, Altesse, autant que j'ai pu en juger, elle ne contient aucun élément chrétien. Dans l'armée de Julien, c'est étrange. D'ailleurs, mes informations sont peu précises. » « Y sait-on le latin ?»« Oui, mais autant que j'ai pu en juger, le peuple surtout le parle. La société cultivée s'exprime principalement en grec. » « Bref, on vous y prie en amitié, semble-t-il, » ajouta la duchesse de Palerme en souriant. Fonrami regarda la princesse avec quelque hésitation et répondit « Amitié serait beaucoup dire. On ne me traita pas trop mal et, comme vous tous, j'attends la décision du Sénat. Oui, du Sénat, la plèbe nous a vus d'un assez mauvais œil arriver par la voie des airs. Elle est fort superstitieuse. Heureusement, elle ne peut rien sur nous. Le Sénat délibère et nous n'avons qu'à attendre. Nous serons d'ailleurs prêts à repartir dans quelques jours, » fit Ricci. Repartir, docteur ? Croyez-vous qu'on nous laissera partir ? J'ai bien des raisons pour en douter. Aurons-nous seulement la vie sauve ? Il s'arrêta, songeur. Mais comment nous ont-ils pris ? Rien de plus simple. Ils nous observaient. Ils ont vu que nos hommes allaient puiser de l'eau à la fontaine et y ont versé un narcotique qui vous a livré à eux, sans défense. Ce ne sont pas des êtres trop lointains, mais seulement des gens différents de nous. Bref, jusqu'à la décision du Sénat, ils nous laissent une grande liberté, et je crois, Monseigneur, que ce que je leur ai dit de votre naissance n'est pas étranger aux faveurs dont nous jouissons. Ils mangent les fruits du plateau et sortent. C'est un éblouissement. Une longue terrasse de granit surplombe un lac. Sous les arbres, il étale sa coupe de lumière. Ce lac a un déversoir, une large cascade. D'une hauteur de 60 pieds, l'eau glisse et tombe en bondissant dans une rivière. Les captifs s'accoudent à la balustrade et la princesse vient auprès de Fonrami. Contemplons ce spectacle et qu'il nous inspire une plus large philosophie. Quelle folie ! Être une poussière impalpable, perdue dans un monstrueux univers, et s'agiter parce que les liens fragiles qui nous retiennent à une vie, parfois assez maussade, vont sans doute être rompus. Et la noble chrétienne poursuit sa rêverie panthéiste. La surface du lac, ridée çà et là par les jeux des oiseaux aquatiques, partout ailleurs unie comme un miroir, reflétait les pics neigeux. En arrière se dressait la falaise abrupte que dominait la cime étincelante des hautes montagnes. Une flottille était amarrée sur les rives que coloraient les bouquets arrondis des rhododendrons rouges et safrans, des azalées roses et bleus de ciel. C'était une fête de couleurs, une féerie de tons vivants et harmonieux. Lentement passa un palais flottant. Il remorquait une barque peinte en jaune à 2 étages de rameurs. 4 longues barques conjuguées, distantes de 6 pieds l'une de l'autre et soutenant un échafaudage de branchages, de rameaux verts, de palmes et de feuilles, la suivaient. Et sur les ondes, des chants montaient et aussi une musique d'instruments où résonnaient les timbres des flûtes et des cymbales. De légères galères polychromes voguaient doucement dans le sillage du palais harmonieux. Sur une de ces nefs, une tente était dressée. Des arômes y brûlaient et la brise emportait les tourbillons d'une fumée aux fortes senteurs. Une fête religieuse, sans doute. À la poupe d'une des galères, Fonrami vit, debout, le vieillard et la jeune femme qui l'avait soignée. Elle chantait en levant les bras dans un mouvement doux et lent. Comme arrivée à hauteur de la terrasse, elle regardait les étrangers et avançait d'un pas pour les mieux voir, son pied glissa. Elle chut dans l'eau et le courant l'attira vers la cascade tandis qu'elle se débattait dans ses vêtements drapés. Dans le même moment, elle fut emportée jusqu'à l'endroit où le courant était assez rapide pour qu'il y eût du péril à la secourir. Pierre Fonrami était brave, mais ne courait jamais un danger sans raison. Il réfléchit. En moins d'un quart de seconde, il lui parut qu'un instant décisif pour le salut de tous s'offrait à lui. D'un coup sec, il ôta sa vareuse, déboucla ses leggings et, sautant dans le lac, se mit à nager vigoureusement. L'eau était froide, mais il était bon nageur. D'une allure souple et rapide, il gagnait vers la jeune femme qui se débattait toujours. Il la saisit et, comme elle cherchait à se cramponner, l'étourdit d'un coup brutal sur la nuque, puis la ramena vers la rive. En cours de route, une barque les rejoignit et les repêcha. La jeune femme était évanouie, il grelottait. Chapitre 4. Quelques jours encore ont coulé. Le Sénat a délibéré. Fonrami a fort heureusement secouru la fille d'un des principaux de la cité. Bref, si l'on tient les voyageurs pour des barbares, ils sont libres. libre dans les limites de la vallée. L'équipage est employé à des travaux domestiques et un poste de soldat, coiffé du casque bas, pilum au poing, glaive ibérique au flanc, garde l'aéronef. Cette singulière machine ne dit rien qui vaille au Sénat, et, d'autre part, les augures néo-platoniciens ne se sont pas encore prononcés. Donc, interdiction aux voyageurs de retourner chez eux. Ils vivront ici et seront morts pour le reste du monde. Cependant, dans son cabinet de travail, à l'élégance sévère, tout en se balançant dans un fauteuil d'ivoire, Publius Coeva, le vieillard à la barbe majestueuse, s'entretient avec ses hôtes, assis autour de lui, sur des sièges de marbre, capitonnés d'étoffes pourpres et or. C'est dans une grande villa, qui forme un rectangle quasi parfait, enfermé dans un mur de pierre sèche de 7 pieds de haut. Un jardin l'entoure. Il est bordé d'une galerie voûtée où l'on se tient les jours de pluie. Devant la maison règne un long portique en briques bleues. Le bâtiment est divisé en deux parties. L'une est réservée au maître, l'autre est habitée par les serviteurs et les esclaves. Plus loin, au fond du jardin, sont les communs et les manufactures. Le grenier, le cellier, le pressoir à huile, l'atelier où l'on tisse la toile, celui où l'on carde la laine, le four à pain, la boucherie. La villa est un tout économique complet. Pour venir jusqu'à ce cabinet où ils sont présentement, le duc de Palerme et les siens ont parcouru les merveilles de la demeure, franchissant de salle en salle les arcatures à colonnes, passant de l'atrium au bain où une piscine demi-circulaire qui s'arrondit le long de l'abside offre, au milieu de ses eaux vives, un bouquet parfumé de plantes aux tons brillants. Contre les murs, une horloge hydraulique aux étages de cristal chante les heures dans un glouglou sonore. Pour se faire mieux comprendre, le vieillard s'exprime en latin et s'adresse tout particulièrement à Fonrami, parce qu'il l'a connu le premier. Comme je te l'ai dit, jeune étranger, après la mort de Julien, nos ancêtres furent coupés de l'armée romaine. La cavalerie de Sapor les entourait, les vivres devenaient rares. Ils avaient avec eux une multitude de femmes et d'enfants, et beaucoup de bagages qui alourdissaient leurs mouvements. Mais il ne leur manquait ni la volonté, ni la discipline. Enfin, les dieux, en mémoire sans doute du pieux Julien, les protégeaient. Ils se mirent en retraite vers l'ouest, cherchant des lieux propices pour y fonder une colonie. Le récit de leur voyage est perdu, et nous ne savons pas exactement comment ils parvinrent jusqu'ici. La légende veut que des guides infidèles les aient égarés et abandonnés au milieu des escarpements gigantesques de cette région sans dieu. Beaucoup de femmes, d'enfants, d'hommes faits même, moururent. Mais les survivants étaient de fer. Ils souffrirent 1000 morts sans se décourager. Cependant, les immortels daignèrent les regarder d'un œil favorable. Un jour, comme le prêtre offrait un sacrifice, le foie de la victime apparut enveloppé d'une double membrane. Mon grand aïeul comprit que la toute-puissante Cérès lui envoyait un signe. La route fut reprise et, le soir même, on arriva à l'entrée de la vallée que nous occupons. Un seul passage très étroit y donnait accès. Nos ancêtres s'y engagèrent et, au sortir du désert de glace et de neige, se trouvèrent dans une nouvelle Sicile. Ils y coulèrent d'abord des jours heureux. Mais Pluton, irrité contre mon illustre aïeul, à cause d'une ancienne offense, provoqua un cataclysme. Cette secousse creusa des abîmes, bouleversa les montagnes, fit crouler les rochers les uns sur les autres, de telle manière que le seul défilé qui conduisait à la vallée devint impraticable. Nos ancêtres cherchèrent cependant à s'évader de cette fosse gigantesque. Peut-être, à force de courage et de persévérance, et en y employant de nombreuses années, seraient-ils parvenus à se faire un passage parmi les rochers, lorsqu'un oracle de la mère des dieux elle-même vint leur interdire pareille tentative. Ils s'établirent donc à demeure dans ces lieux où tu nous vois. Sans doute les immortels ont-ils sur nous des desseins insondables et nous réservent-ils à des travaux mystérieux. Il se tut et, après quelques questions sans importance, l'entretien en resta là. « Je ne sais, fit ce jour-là Fonrami, quel destin nous est réservé, espérons. »« Oui, répondit le prince, même contre toute espérance. »« Nous voilà prisonniers. Le premier soin d'un captif est de visiter soigneusement sa geôle. Il pense plus à s'enfuir que ses gardiens à le surveiller. Donc, toutes les chances sont pour lui. Eh bien, monseigneur, dès demain. D'ailleurs, cette réduction du monde antique doit être fort curieuse. La princesse, elle, ne tenait pas à participer à ces petits voyages, préférant demeurer en tête-à-tête avec ses pensées. Ferrato surveillait ses hommes occupés aux travaux d'un petit port, et Lorici, enfoncé dans ses rêveries scientifiques, ne savait même plus où il était. C'est ainsi que les deux explorateurs font route seuls, et cette fois sans la moindre escorte, vers la cité gréco-romaine. Dans cette ville, bien des surprises les attendent. C'est une Pompéi animée et vivante. Il y a un grand nombre de places où se tiennent les marchés quotidiens. On trouve là tous les genres de marchandises et de produits que la vallée peut offrir. Victuailles, bijoux d'or et d'argent, ustensiles de plomb, de cuivre et d'airain. On vend des pierres brutes et ouvrées, des briques cuites ou crues, des bois en bille ou travaillés. Dans la rue de la Chasse, on voit des perdrix et des lapins, des canards sauvages et des outardes. Chaque genre de marchandise est vendu dans une rue spéciale. Le plus grand ordre règne. Il existe un tribunal qui siège pendant le marché et où des magistrats décident des différends entre vendeurs et acheteurs. Des inspecteurs surveillent les marchandises, veillent à la bonne conservation des denrées, observent les achats et les ventes, brisent les mesures qu'ils reconnaissent fausses et punissent les délinquants. Dans cette ville, quelques vastes palais et beaucoup de belles maisons. Les palais, comme les simples maisons, sont badigeonnés de couleurs vives. Les statues polychromes aux vêtements chatoyants qui se dressent dans les carrefours étincellent dans un bain de soleil. Dans les riches demeures, de grands et beaux appartements s'ouvrent sur des jardins fleuris où l'art a discipliné la nature. Des canaux en maçonnerie longent les chaussées. Une eau fraîche et pure y circule en abondance. Maintenant, les explorateurs entreprennent un long voyage. Ils longent, en l'étudiant avec soin, la falaise à pic, courtine titanique qui les sépare du reste du monde, et sont bien obligés de s'avouer qu'avec la surveillance discrète qui s'exerce autour d'eux, ils n'ont nul moyen d'aller travailler secrètement à bord de la rondine et d'arriver à la réparer. Fonrami songe à simuler un sacrifice aux dieux. Sous ce prétexte, il travaillerait à construire une montgolfière et à s'échapper pour aller chercher du secours. Ce projet, il le reconnaît vite impraticable. Dans leur position, un tel appareil serait trop délicat à exécuter. D'ailleurs, l'aventure n'est pas pour lui déplaire. Son optimisme robuste lui dit qu'ils arriveront toujours à se tirer d'affaire et il se remet à observer. C'est ainsi qu'il passe de longues heures à étudier à loisir le mur cyclopéen, les yeux rivés sur cette enceinte qu'il est impossible d'escalader. Il ne voit rien, pas une faille, pas une gorge, pas une issue. Parfois, il arrive à un retrait de la muraille qui fait supposer que là, elle se déchire et qu'un passage existe, ignoré des Achéléens, c'est le nom des habitants de la vallée, ou qu'ils ne veulent point révéler. Mais non, la prairie pénètre jusqu'au fond du retrait et la muraille de granit se referme toujours. Par endroits, le long de la falaise, gigantesque et presque à la hauteur du premier gradin, pendent en lourdes grappes des lianes multicolores. Au moindre saillie se raccrochent et se cramponnent les cactus et les figuiers. Ailleurs, dans la muraille à pic, un torrent furieux bondit. Les neiges des hautes montagnes forment des torrents qui coulent, glissent, tombent, se divisent, s'éparpillent, en minces rigoles, et se précipitent d'une hauteur de 3000 pieds, nappes d'argent qui crépitent sur la draperie verte. Le vent les saisit dans leur chute et joue avec elles. Il est tort, il est réduit, tant une impalpable poussière qui, brillante, tremble à la pointe des feuilles. Oui, on pourrait sans doute entailler cette muraille, au flanc aussi dur que le fer, et construire un escalier, mais la tâche exigerait des travaux qu'il faudrait compter par année. Dans les jours qui suivirent, à la joie fort légitime de se sentir sain et sauf, et de le demeurer, s'ajouta pour les voyageurs la satisfaction d'être dans un monde aussi nouveau, où tout était prétexte à une surprise qui allait parfois jusqu'à l'émerveillement. Mais, comme il arrive toujours en de semblables aventures, le voile de l'illusion, ordinairement tissé d'une matière assez légère, se déchira vite. Ils connurent que la vie antique, qu'ils ne voyaient plus maintenant à travers le prestige que les poètes et les historiens lui prêtent, était la moins confortable du monde. Oui, ils avaient des baignoires de marbre blanc et des vasques de marbre bleu. Ils vivaient sous des colonnades élégantes, enguirlandées de roses. L'eau chaude circulait dans des conduits en poterie et des mosaïques somptueuses ornaient leur atrium fleuri. Mais, en revanche, les fenêtres n'avaient pas de vitres, et cela n'allait pas sans quelque inconvénient. La nuit tombée, on s'éclairait avec des torches ou avec des lampes d'argile à trois becs. Être enfumé comme des renards, on y voit goutte. « Ah ! Faisait le duc de Palerme, je voudrais voir ici les adorateurs du paganisme. » « Il faut en conclure, monseigneur, répondait Ferrato, que notre vie moderne, si banale et si prosaïque, a son charme. » Et Fonrami, brochant sur le tout, « le plus humble des paysans d'Italie et de France a une vie plus confortable que celle d'un grand seigneur romain du IVe siècle. »« Vous en concluez, Fonrami, fit la princesse, qu'il vaut mieux en certains cas être serf que seigneur ?»« Je crois, Altesse, que cela dépend de la qualité des personnes. » Chacun supportait ses misères avec son tempérament. C'est ainsi qu'une fois par jour, le docteur soupirait parce qu'il était privé de chocolat au lait et de brioche, chose qui, avec bien d'autres, manquait en ces lieux. Ces privations étaient cependant insuffisantes pour qu'ils en souffrissent, et parfois, tandis qu'ils s'en entretenaient avec amertume, ils cherchaient sur les ailes d'or de la parole à se réfugier vers des terres plus modernement aménagées. Parfois, aussi, semblable à une flèche décochée, leur désir les menait plus loin encore. C'est ainsi que, ce soir-là, comme il pleuvait en abondance, réunis frileusement en cercle autour d'un feu, ils devisaient et se demandaient ce que sera le séjour perpétuel du paradis. Chacun y portait ses tendances. La princesse comptait que toute jeune fille, et allant à la chasse au bouquetin, dans les hautes vallées des Alpes, en compagnie de son père, il lui arrivait le soir, lorsque la rougeur d'un feu de bivouac semblable à ce feu-ci commençait à décroître et que les étoiles trouaient plus ardemment la nuit noire, de les contempler longuement et de rêver d'une migration perpétuelle qui, au cours d'une vie future, l'amènerait d'un monde à l'autre. Puissance infinie du désir, le songe devenait une réalité dans le vol de ses pensées. Puis, d'un seul coup, le réveil ramenait ses pieds à terre. Le prince souriait avec douceur, en approuvant de la tête car, à cette heure, il était généralement à demi somnolent. Mais Lorici, qui, d'aventure, ne fréquentait point les poètes, en tenait cette fois pour le système dantesque, dont la rigueur géométrique lui plaisait. Fonrami, lui, se voyait dans un beau jardin classique, à la française, et ne souhaitait pas d'autre paradis. La princesse l'interrompit et, mi-plaisante, mi-sérieuse, « Non, monsieur le railleur, à vous, il faut autre chose. Au fond, je crois peu à votre goût pour le néoclassicisme. Vous n'êtes pas un amant attardé de la grisaille et du poncif. Je vous souhaite l'île de Prospero, où les aspects sans cesse changeants d'un monde perpétuellement renouvelé viendront offrir un aliment à votre doute systématique. Votre Altesse suppose donc que je me refuse à concevoir une fin transcendante pour l'activité humaine. » On discutait ainsi, mais on ne disputait point, les disputes venant de ce que les uns, trompés par quelques exemples, généralisent trop, au lieu que les autres, frappés de quelques aspects contraires, ne généralisent pas assez. Au pied des falaises, le prince et Fonrami découvrent des geysers, des conques pleines d'eau chaude, monstrueuses vasques où les ondes roulent à gros bouillons, s'enflent, s'écroulent et se répandent en ruisseaux. De longs panaches de vapeurs fusent et s'élèvent dans le ciel. Lorsque le soleil les baigne, ils reflètent mille arcs-en-ciel, comme des prismes gigantesques. Ces torrents d'eau bouillante se répandent, se distribuant en mille filets, contribuent encore à adoucir la température de la vallée déjà fort clémente à cause de sa latitude et à cause aussi de l'énorme écran de montagne qui arrête de toutes parts les vents glacés. Certaines parties du sol sont vierges de toute culture, et d'énormes forêts s'y développent. Ailleurs, le sol est bien cultivé. Rien n'égale la patience du paysan gréco-romain. Il exploite son champ avec une ténacité qui ne se rebute jamais. Aussi haut qu'il peut grimper sur le flanc des collines, aussi bas qu'il peut descendre dans le lit des ruisseaux, tout est utilisé. Il assaille la nature comme le légionnaire romain donnait l'assaut à un camp ennemi, et, vainqueur, la contraint à subir le joug de ses lois. Ces exilés se sont fait une âme allègre et active, comme il sied à des hommes qui poursuivent des fins utiles en évoquant fréquemment Hésiode et Virgile, on voit qu'en ces lieux, le sol est le terrain propre à l'activité romaine. Soumis aux règles centenaires, accoutumé à une telle existence, le peuple n'a ni le goût ni le sens de l'initiative. Il ignore le changement. Résigné et passif en dehors de son courage d'agriculteur, rien ne l'excite aux aventures. La race a acquis un esprit d'obéissance parfaite aux lois immuables et saintes. Le désert glacé qui l'enveloppe pèse sur ses actes comme sur ses pensées. Ce peuple est heureux, faisait Fonrami, renseignant la princesse. Soit, mais les pauvres, comment sont-ils traités? Ils sont secourus par le trésor public. De temps à autre, le Sénat examine le rôle de ceux qui reçoivent ces bienfaits pour en exclure ceux qui n'y ont plus les mêmes titres. Pas d'organisation charitable. Il n'y en a pas, en effet, Altesse, dans le sens que nous accordons à ce mot. Toutefois, chaque nouvelle lune, les riches exposent dans les carrefours, en l'honneur de Junon, des repas que l'on abandonne au petit peuple. Le climat est sain et la race est belle. Lorsque, dans le soir qui tombe, les longues théories de jeunes filles viennent puiser l'eau dans les citernes de marbre, avec leurs cruches d'argile tenues sur l'épaule d'un geste gracieux par le bras nu recourbé en anse, et le balancement harmonieux de tout le corps libre dans des vêtements flottants, elles fournissent sur un ciel de pourpre des profils amis des dieux. Ces courses achevées, voici nos voyageurs revenus vers la ville. Elle leur offre encore d'autres spectacles. Façades multicolores, étalages inattendus, devantures d'apothicaires au treillage léger, à travers lesquels on voit les pharmaciens préparer des potions mystérieuses, ou rouler des pilules entre les extrémités de leurs doigts crochus. Ou bien, derrière les volets soulevés, on aperçoit des écrivains publics trempant leur roseau pourpre dans les encres végétales, ou des perruquiers qui rasent leurs clients. Ensuite, c'est le faubourg, aux rues étroites et sinueuses. Des constructions basses les bordent, bâties en briques cuites au soleil, ou formées de cabanes de chaume, celles-ci coniques, celles-là carrées. Ce petit peuple est actif. Les voyageurs voient battre le fer sur des enclumes basses. Des hommes, vêtus de peau de bête, martèlent le cuivre et les reins. D'autres, en longues robes de lin, trempent les étoffes souples dans les cuves à teinture. On prépare les pots, on tourne l'argile, les celliers repiquent les bas de bois. En gémissant, les cordonniers tirent le lignol. Les métaux précieux supposent des mines. Sur un plateau, au pied d'un contrefort aigu que détache la falaise inaccessible, un gros bourg aligne sa rangée de maisons uniformément basses. Aux alentours, l'aspect du terrain, partout bouleversé, annonce le pays minier. Depuis des siècles, on tire de l'or de ces montagnes, du cuivre aussi. D'autres mines donnent de l'argent et divers métaux. Ça et là, le sol est coupé de rivières artificielles qui font tourner de larges roues. Des rigoles, des canaux en bois sillonnent le flanc des roches, dont quelques-unes, très minces, sont percées à jour, découpées et festonnées. Semblables à des tours gauloises, de hautes cheminées de bois surmontent les puits. La nuit vient, une sorte de rougeoiement, une clarté dans laquelle passent des lueurs aiguës, baignent le village et les usines. Autour des voyageurs, tout est paisible. Le vent est tombé, pas une feuille ne bouge, le ciel est plein d'étoiles. Dans le moment où ils regagnent la ville, l'ombre de la nuit est devenue moins transparente et plus dense. Ils avisent des chars qui roulent sur les dalles sonores de la voie militaire et des litières que des porteurs de torches précèdent. De loin en loin, auprès des statues des dieux, sous le péristyle des riches demeures, de petites lampes d'argile ou de bronze mettent une lueur qui tremble dans la nuit.